Section 109 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e, section 109. Une bonne histoire par Olivier Chantal, chapitre 2. Après le bain, tout le monde se trouve réuni chez la comtesse Nadège, fenêtres et portes closes, fuyant la torride chaleur de ce jour d'été. Les jeunes femmes causent et rient dans le petit salon baigné d'ombre, et la mère, une slave, allongée sur une causeuse, les paupières abaissées, semble dormir. Une lueur pourtant passe à travers les cils. Comme tout le monde, elle attend simplement le premier coup de cloche du déjeuner. Mais le sable a craqué sous des pas un peu lents. Qui peut être dehors par cette chaleur? Ah, c'est Madame de la Brière! Entrez donc, chère madame, exclama Jeannette. Comment, vous sortez par ce soleil? Oh, dit la bonne vieille dame en s'asseyant, toute rouge, malgré l'abri de son ombrelle claire. Je ne regrette pas ma peine, car je viens de voir la chose la plus heureuse et la plus jolie du monde, un bon ménage. Et c'était exquis de... Elle s'arrêta pour s'éventer avec son mouchoir et respirer. Une histoire? Oh, je suis bien sûre que c'est une histoire. Contez-nous cela, bonne chère madame. Voilà, reprit Madame de la Brière. Je passais par la brèche au loup quand j'entendis parler doucement tout près de moi. Sous les arbres, un jeune couple marchait souriant, les yeux dans les yeux et les mains enlacées. Le mari, penché vers sa jeune femme, lui passa son bras autour de la taille, pendant qu'elle, émue, posait sa jolie tête blonde sur l'épaule du jeune homme. Lui la baisa lentement, longuement, presque avec mélancolie, sur ses paupières fermées. La vieille dame s'arrêta quelques instants, tout émue par ce souvenir. On l'écoutait avec surprise, cherchant à quel ménage dans le petit pays pouvait répondre cette idylle. La slave demeurait paisiblement indifférente, un sourire vague errait sur ses lèvres. Aucune question. Madame de la Brière continua. Le jeune homme, enfin, serra sa compagne sur son cœur. Il murmura quelques mots dont je ne pus distinguer le sens. Elle s'enfuit en courant, joyeuse et légère, pendant qu'il demeurait à la même place, la suivant des yeux jusqu'à ce qu'elle ait disparu. « Et c'était ?» demanda Jeannette. « Monsieur et Madame Berthollet. » « Oh ! » fit doucement la slave, avec sa voix froide, harmonieuse et laissant vibrer, tout au fond, des notes métalliques. « Quand donc avez-vous vu cela, chère madame ?»« Mais il y a peut-être une heure. »« Tiens, vous êtes bien sûr que c'était Clotilde? Il n'y a pas d'erreur ?»« Certainement, je suis restée plus d'un quart d'heure assise sur un arbre abattu. » Madame Berthollet passa devant moi sans me voir. Elle tournait la tête en voyant un dernier sourire. « Oui, » reprit la slave, sans changer d'une intonation les douces notes un peu fausses de sa voix traînante. « Mais Monsieur Berthollet, que vous ne connaissez pas encore, chère madame, Monsieur Berthollet n'est pas à Bergue. » Après cette phrase, elle se laissa nonchalamment retomber sur les coussins de la causeuse. Les jeunes femmes pouffaient de rire. « Comment ? » exclama triomphalement la bonne dame, heureuse de prouver la véracité de son récit et la légitimité de ses baisers en plein vent. « Vous voyez bien qu'il est de retour, puisque le voilà. » Cette fois, toutes, et même l'indolente slave, se levèrent d'un bond. Devant la véranda passait un élégant jeune homme. Il parut sur le seuil. Un éclat de rire général accueillit son entrée. Quatre exclamations, quatre phrases, éclatèrent avec un ensemble qui le stupéfia. « Monsieur Labarussias ! Oh, que c'est drôle !» Fin de la section 109.